Martin Zou. Yeah. C'est quoi les pailles? Hey, c'est quoi les pailles? J'suis comme un loup dans la ville, louche dans la cycle de boulour, touchant la vie cool avec un style de zoulou. S'il soulaisse, fuck la poucave, la pack, les poulets évoués au stop. À coup de badge, j'attaque que les sounesses. À la force de mes couilles, puisqu'à la force de mes ménages. Je te Marianne, suce la fille pendant que son coq me fait le ménage, mais laisse. J'mets toute ma force dans la mêlée, mais les prods en mode fais les forts. J'serai passé, laissez les pailles. Marre de peiner, freiner, gêner, je n'ai peur de personne, j'ai le venin, venez même m'aimer. En mode décollage, collage, shit, connasse, euro, livre sterling, dollar. Je viens de rappeler que c'est le son des hall 2, rapper des pompes, des comptes. 3 minutes les flots 2, ouf, te montre les ondes. 91 c'est complet, à l'entrée ça recale les condés. Les videurs sont débondés, taillant, bloqué, ok, j'ai passé MC normal. Soulage ma fessée sur la leur, espèce d'imbécile aval. Je parle de pratique anale, dans ta tête c'est sa bave. Dans les mêmes sacs canards, la bac, on fait les bifs halam. Pour la famille, pour vivre à la bien. Tu prends de la sèche, tu finiras avec le corps de Madonna. Tu te prends pour une princesse, tu vois bien que tu roules sous le pont de la Lema. C'est le Val de Marne, les sons pareil gros. Faut pas déconner, paniquer, pas picoler le bail. Je rentre dans tes oreilles, comme dans un clito. Son des halls, deuxième volume, je dirais y'a plus de silencieux. Je me prépare, t'occupe, même si t'as le gros cul assis d'orfeu. Y'a 11 joueurs en face, moi j'ai ma piste et mes 10 doigts. L'auditeur ne s'endort pas parce que je peux pas lui raconter d'histoire. Ils veulent mener, mener ma vie, mener, mener mal. Je les calme, mais c'est sang. Que les clics marines, tous les télégrammes, je vais les voir pisser le sang. 80 ans, c'est paycor, et qu'elles apprennent à faire du miel. Je m'entends des wouah, je suis comme Bruce Lee quand je scène du zen. Je fais les pistes, j'ai pour baisser le rap vraiment trop déter. Connard d'une équipe mêlée gérée par Raymond Domenech. Si t'attends le Père Noël en secrète, il est mort dans une descente. T'aimes les sports d'hiver, va dans le 16, c'est tous les jours descente. Ce sont des all mic, step enculé. Si, si je les banduré, les petites mises des pendules. Je glisse vite entre les jambes unées. Pidémie de légende, vu les rimes que je débiterai pas hurler. Mystique méchant, je veux pas le briquet avec les sangs brûlés. Chaud, et les gars, je suis bien des vôtres. On a voulu me noyer, mes couilles sont restées à la surface. À démo, but la démo, on a les crocs. En bas des halls, en panne béto, faut draper chaud quand tu auras le réseau. Gros, on est pris en joue par la liste pro. Tu connais les pailles du ghetto. En bas de la tête, les dièses, SS ou bien béto. On se connaîtra en cellule ou au comico. Faut faire l'argent parce que l'État resserre les taux. Tu connais les pailles du ghetto. En bas de la tête, les dièses, SS ou bien béto. On se connaîtra en cellule ou au comico. Faut faire l'argent parce que l'État resserre les taux.